Du coup, on va passer à l'intervention suivante. On a pris un petit peu de retard. C'est Richie qui va venir nous parler de l'Union européenne. Donc, pour vous rappeler un petit peu, là, on est à Debout Éducation Populaire. Donc, le format habituel, c'est 20 minutes maximum à peu près de présentation du thème. Et ensuite, on enchaîne sur 40 minutes de débat. Donc, je vous invite tous à vous rapprocher, à venir vous asseoir. Comme ça, plus de personnes entendront et pourront aussi débattre avec nous ensuite. Et je vous rappelle que voilà, tout le monde peut prendre la parole. Hein, à partir du moment où le débat commence, vous êtes vraiment tous invités à intervenir. Donc, surtout, n'hésitez pas. Donc, voilà, Richie, c'est à toi. Ouais, bonjour à tous. Je m'appelle Richie, en fait. Et en fait, je fais des études d'histoire et j'aimerais en fait parler de l'Union européenne. Alors, je vais commencer par le vif du sujet. L'Union européenne, en fait, dans la pensée officielle, c'est une création en fait continentale qui fédère en fait les pays d'une même d'un même espace géographique. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. La plupart des gens avec qui je débat et avec, à qui je révèle que l'Union européenne est une création nord-américaine et allemande sont des personnes qui, vite fait, vont vous taxer de néo-nazis. Alors, moi, en fait, militant, c'est pas un terme que j'aime trop parce que j'aime pas trop faire des défilés de mode qui servent à rien. Moi, je suis plus là pour changer de mentalité, mais j'ai failli être recruté à l'UPR. Je sais pas si quelqu'un connaît l'UPR. De François Asselineau. En fait, quand François Asselineau avait révélé qu'il y avait une coalition entre les forces de l'Allemagne nazie et les États-Unis qui sont à l'origine de l'Union européenne, on l'a traité de complotiste. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des sources journalistiques et les a énumérées. En première instance, il a pris Paris Match, l'édition 136, qui date du 27 octobre 1951, où en fait, Asselineau reprend les discours en fait, de Dwight Eisenhower. À un moment donné, le journal a demandé à Eisenhower que pensez-vous de la Fédération européenne. Et Eisenhower en fait explique qu'il est content en fait que les États d'Europe aient trouvé des délégués pour prendre la décision à Luxembourg, et que de ce fait que si les Européens prenaient des décisions de manière autonome et indépendante, cela en fait irait à l'encontre en fait des intérêts matérialistes des États-Unis. Un peu plus tard, vous avez également un autre homme politique. Vous avez également Bill Clinton qui, pendant son second mandat en 1999, donc je citais la source gouvernementale, c'est la dépêche AFP, où Bill Clinton en fait parle de son soutien indéfectible envers la Turquie. Et du coup, qu'est-ce que dit François Asselineau? Il dit que j'aimerais comprendre pourquoi l'Union européenne, qui est censée être en fait une fédération géographique très précise, j'aimerais expliquer. Qui décide de savoir pourquoi la Russie rentrerait dans la Fédération européenne et pourquoi pourquoi la Turquie rentrerait dans la Fédération européenne et pourquoi la Russie ne le ferait pas. Et tout le monde sait en fait que la Fédération de Russie a une longue histoire avec les États-Unis. Et là maintenant je vais aussi aller droit au but. Alors, les deux créations de l'Union européenne se sont. Ouais, je me lève, tu veux que je me lève? Ok. Donc, les deux créateurs de l'Union européenne, ce sont en fait Robert Schuman et Walter Hallstein. Robert Schuman était un ancien espion des services secrets nord-américains qui, en 57, a fait le discours qu'on appelle le discours de Schuman. Il faut savoir que Schuman était un fervent acolyte. Ouais. Ouais. Était un fervent acolyte. Était un fervent acolyte de Dwight Eisenhower. Et Walter Einstein, lui, c'était un dignitaire nazi qui a été professeur d'université, qui est devenu juriste. Et quand en 1938, Hitler est parti voir Mussolini, Hitler et Mussolini ont demandé à Einstein de dresser une carte qu'ils ont appelée Deutschland Europa. En allemand, ça veut dire Nouvelle Europe. Hitler et Mussolini avaient bien demandé à Einstein de dresser une carte qui ressemble de près et de loin à l'Europe qu'on a aujourd'hui. Et du coup, Walter Einstein, qui, je rappelle, est un dignitaire nazi, est le premier président de la Commission de l'Union européenne. C'est le premier président de la Commission européenne. Son mandat s'est terminé en 1969. Donc, vous avez même des photos. Si vous avez l'occasion de taper à Walter Einstein, vous allez voir en fait qu'il est. On a pris des photos où il était à côté de Dwight Eisenhower. Et le premier traité qui a été signé pour créer l'Union européenne, c'est le traité de Rome. Tout le monde le sait. Le traité de Rome a été signé le 25 mars 1957, où Hallstein signe un traité européen avec un dignitaire nord-américain. Donc, je vais aller encore plus loin. Donc, vous savez, il ne suffit pas juste de dire qu'on est complotiste ou conspirationniste pour rejeter cette thèse. Il suffit aussi de citer la lignée des présidents de la Banque Centrale Européenne. Quand vous regardez en fait la lignée des présidents de la Banque Centrale Européenne, vous remarquez qu'en fait que tous ces présidents, en fait, tous ces anciens banquiers, tu parlais de la banque, on va en parler, la plupart de ces banquiers, de ces financiers ont travaillé pour Washington. Par exemple, si vous tapez Wittgenstein, entre 1966 et 1969, a travaillé pour, en fait, pour le FMI à Washington. Et pourtant, vous vous dites, c'est bizarre, mais pour quelqu'un qui est le président d'une banque centrale européenne, pourquoi quelqu'un qui travaille en Europe a des intérêts et a fait sa formation économique et bancaire aux États-Unis? Voilà, donc Wittgenstein, pareil, comme il s'appelle Jean-Claude Trichet, pareil. Jean-Claude Trichet était un grand think tank de Washington. Et Mario Draghi également a travaillé pour Goldman Sachs jusqu'en 2005. Donc, j'aimerais parler d'un autre aspect. Vous savez, ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que Jean Quatremer, en 2010, disait, en fait, une phrase qui m'a tellement choqué, c'est que il disait, en fait, que l'Union européenne est une colonie nord-américaine. C'est-à-dire, en fait, que Barack Obama n'est pas juste, en fait, président des États-Unis, mais Barack Obama serait également le président de l'Union européenne. Et quand vous allez me dire, oui, mais tu dis ça, c'est un peu trop facile, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, notre culture française est envahie par énormément, en fait, de... par exemple, si je prends McDonald's, c'est une industrie qui a été lancée par les frères McDonald's. Mais quand vous prenez la Boostify germanique, vous savez, les germaniques aiment bien prendre des Boostify, et le nom que porte la Boostify a toujours le nom de la ville dans laquelle elle a émergé. Par exemple, si vous allez acheter une baguette viennoise, et ben la baguette viennoise a émergé à Vienne. Vous savez, l'hamburger a émergé à Hambourg en Allemagne. Et pourtant, l'hamburger qui a émergé à Hambourg en Allemagne est une Boostify, une industrie qui a été lancée par les Nord-Américains. Et vous avez plein de films comme ça, comme 1, 2, 3, où vous avez les entrepreneurs, en fait, agroalimentaires, qui sont en Allemagne, mais qui gèrent, en fait, leur entreprise comme Coca-Cola, exactement comme les Américains. Donc, il y a la Chase Manhattan Bank, qui est une banque détenue par la famille des milliardaires, les Rockefeller, qui a, en 2001, fusionné avec une banque qui s'appelle JP Morgan Chase. Et le personnel, qui était très curieux, a fouillé les opérations bancaires. Et c'est marrant parce que le personnel de JP Morgan remonte jusqu'en 1934. Et là, en fait, c'est très croustillant parce que ce personnel, en fait, découvre que la Chase Manhattan Bank a financé ce qu'on appelle l'Eisenstein-Rastatt-Rosenberg, donc la branche inertia nazie qui était chargée de voler les peintures juives et les vendre un peu partout, contre 9 millions de Deutschmark. Ça veut dire, en fait, qu'Hitler est parti aux États-Unis, a volé des peintures juives et les a données, en fait, à des banquiers nord-américains contre des millions de Deutschmark. Si vous n'êtes pas content, vous allez questionner la JP Morgan Chase et vous regarderez qu'il y a des sources bancaires qui confirment ça. Et je voulais revenir également sur McDonald's. Donc McDonald's, c'est une industrie agroalimentaire allemande qui a été lancée aux États-Unis. Vous avez également, en fait, même sous nos yeux, vous avez des films hollywoodiens. Je ne sais pas si quelqu'un connaît un peu les Marvel, les comics. Moi, j'ai été. Vous avez Captain America qui dit tout, en fait. Captain America porte en lui toute l'idéologie de l'Allemagne nazie. C'est-à-dire le blanc aux yeux bleus, comme le vantait Hitler, qui protège toute la puissance anglo-saxonne. Faut aussi savoir qu'en fait, qu'il y a beaucoup d'Allemands qui se sont réfugiés aux États-Unis. Je parlais de Walter Einstein. Je vous ai dit, si vous n'êtes pas content, vous tapez Walter Einstein. Vous allez voir, il est en train de rigoler avec Dwight Eisenhower. Vous avez Adolf Hitler qui militait sur. Il dirigeait les opérations militaires avec Hitler. Vous l'avez tout jeune, tout frais, dans les années 30. Et vous l'avez un peu plus tard avec les cheveux grisonnants, à la tête de l'OTAN, à côté, en fait, de conseillers politiques nord-américains. Et je me suis intéressé, en fait, à un documentaire qui a été fait par Mario Capuzzo del Tocha. Dans son documentaire, en fait, il cite un Chilien nazi qui s'appelle Miguel Serrano. Et Miguel Serrano a parlé à un nazi français qui s'appelle René Belli. Et René Belli lui dit qu'en fait, quand je suis parti, en fait, en Amérique, j'ai vu les 12 SS qui ont inauguré le château de Wevelsburg. Et c'est pour ça que le Mossad est parti retrouver Klaus Barbie en Amérique latine. C'est pour ça en fait que le Mossad est parti retrouver, comme il s'appelle, Adolf Eichmann, qui était jugé à Israël en Amérique latine. Comme personne ne souciait que les États-Unis étaient impliqués, on nous a fait croire que les États-Unis étaient les grands rédempteurs en fait de l'humanité, alors que la plupart des gens qui étaient en fait dans le gouvernement étaient coalisés avec l'Allemagne nazie, puisque je ne sais pas, c'était une source bancaire, c'est les Deutschmark qui a perçu Hitler via la Chase Manhattan Bank. Je ne dis pas que tous les Nord-Américains et tous les Allemands étaient copains. Je peux citer Richard D. Winters, qui a fait son service militaire, qui a dirigé la Steel Company, qui faisait juste son travail. Je peux citer Klaus von Stauffenberg, qui a tenté d'abattre Hitler. Je ne fais pas un amalgame. Je dis que certaines personnes, faut arrêter de croire qu'on est dans ma mode au pays des merveilles, faut arrêter de croire que le monde est beau, avaient des intérêts. Et puis, vous savez, en fait, que quand les Américains ont débarqué en France, dans le débarquement de Normandie, ils ont instauré ce qu'on appelle le plan Marshall. L'Europe est dévastée, nous les Américains, la toute-puissance. D'ailleurs, je vous rappelle que les États-Unis, c'est pour moi l'État le plus meurtrier qui ait jamais existé, puisque depuis sa création en 1973, c'est un pays qui a fait des guerres énormément partout. Guerre de sécession, guerre d'indépendance, guerre du Golfe, guerre d'Afghanistan, guerre en Irak, guerre. C'est pour moi l'État le plus meurtrier, et c'est cet État qui a une main mise pour moi sur l'Union Européenne. C'est pour ça pourquoi je raconte tout ça. Parce qu'en fait, quand les gens, quand je prends Julian Assange, il dit que ce n'est pas la peine de reprocher à François Hollande ses exactions politiques, puisque François Hollande ne sert pas les intérêts qui concernent la France. C'est ça que j'essaie de dire. Et quand je dis que les États-Unis ont une mamie, c'est pas juste un mot comme ça. Je dis, c'est que il faut voir un peu comment Hollywood, comment en fait BFM TV s'intéresse beaucoup à la politique américaine. Il faut voir en fait nos marques, mais nos anglicismes, nos langues. La culture anglo-saxonne a vraiment infiltré, je le dis haut et fort, la culture de l'Union européenne. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que voilà, Hollande sert des intérêts qui sont totalement étrangers. Manuel Valls pareil, et que il faut qu'on commence à penser que voilà. Nos politiciens ne doivent rien aux élus, ou ce qu'on appelle les élus, ils ne servent que les intérêts des gens qui les ont mis au pouvoir. Souvent des gens qui sont de banques privées, les banques Rothschild, les Rockefeller, et d'autres familles de milliardaires que je pourrais citer. Voilà, donc c'est ce qui permet de comprendre pourquoi on est dans ce... Et c'est un peu dommage que des gens comme Jean-Luc Mélenchon soutiennent en fait que... Parce que ce que propose l'UPR n'en a rien à foutre hein, de ces élections présidentielles. Moi, je crois pas au vote électoral, j'y croirai jamais. Mais il dit en fait que, déjà, avant de parler de décroissance, abolition du chômage, il faut déjà que la France sorte de l'Union européenne. Et après, vous allez me dire, oui, le Front National essaie de le faire. Le Front National, en fait, Marine Le Pen déplore des discours qui font... ce qu'elle veut, c'est avoir des voix, c'est avoir des gens, c'est avoir des oreilles. Il faut aussi savoir, en fait, que dans le traité de l'Union européenne, l'article 42 du traité de l'Union européenne soumet l'Union européenne à l'OTAN. C'est pour ça en fait que quand vous regardez en fait le discours de George Bush très bien en fait, il dit très bien, il le dit très très bien. Vous pouvez retracer son discours journalistique et politique. Il dit très bien en fait que l'ONU et l'OTAN ont les mêmes intérêts que l'Union européenne. Donc je pense que la France. Vous avez également, je peux citer également un autre politicien, Jean-Pierre Chevènement, le dit très bien en 96. On lui dit mais vous pensez que et il disait mais pourquoi les Français ont forcément besoin des Américains pour prendre leurs décisions? Les Français peuvent être totalement autonomes et prendre la décision sous sol sans avoir besoin des Américains qui viennent nous faire chier. Puisque déjà, eux, ils sont de l'autre côté de la carte. Donc voilà, donc c'est ça permet de comprendre pas mal de choses. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai fini. Je peux aller plus loin, mais je vais m'arrêter là. Et si j'ai des gens qui ont des questions, bah moi, je suis ouvert. Ouais. Alors, ce ne sera pas vraiment une question. C'est pour rebondir sur ce que tu disais sur les liens des États-Unis avec l'Allemagne nazie. C'est par rapport à IBM. IBM avait en Europe une filiale qui s'appelait Deomag, qui fabriquait des machines à calculer à cartes perforées. Ces machines ont été construites avant la guerre et pendant la guerre, entre autres et surtout par les Allemands, qui en ont fait un très grand usage pour gérer la déportation des Juifs d'Europe. Et à la fin de la guerre, IBM a récupéré les bénéfices concernés. Et ces machines Deomag ont été entretenues par des techniciens IBM tout au long de la guerre. Oui, c'est vrai, Bruno a raison. IBM, ouais, j'ai étudié. Pas mal de nos marques, en fait, qu'elles soient informatiques ou agroalimentaires, en fait, sont des multinationales qui ont permis à l'Allemagne nazie de redresser, de déconstruire, en fait, le chômage. Et vous avez IBM, en fait, qui a servi à calculer, en fait, les juifs qui étaient déportés dans les chambres à gaz. Vous avez également, en fait, Coca-Cola, qui en 1925 s'est importé très rapidement aux États-Unis, enfin en Allemagne. Vous avez également Fat Hugo Boss. Ouais, les, quand vous voyez Heinrich Himmler, Joseph Goebbels en fait en vêtements de SS, c'est Hugo Boss qui a fait les vêtements SS. Pourtant tout le monde dit Hugo Boss, tout ça. Des trucs comme ça qui me font rire. Vous avez également IG Farben. Ça, je pense que tu connais, qui a fourni le cyanure en fait et le Ziegler B. Ouais, beaucoup de multinationales comme ça. Je parlais de McDonald's tout à l'heure. On peut aller très très loin. Donc, pas mal de nos marques ici ont servi en fait à. C'est pour ça que Malandjo, il m'avait, excuse-moi de te lancer la perche, quand on a eu le débat à la Bourse du Travail, il parlait, pour revenir à l'œil du travail, le sujet officiel, pour certains et pas pour d'autres, il posait la question, mais qu'est-ce que vous entendez par l'œil du travail? Est-ce qu'il faut sauvegarder les emplois, en fait, les fonctions publiques, les fonctionnaires qui, en fait, militent pour. Travaillent dans des secteurs, en fait, qui, malheureusement, en fait, génèrent pas mal de. De décès et de trépas en fait à l'autre bout du monde. Mais ouais, l'Allemagne nazie. Et puis c'est très, je peux pas aller loin en fait. Dans Mein Kampf, Hitler en fait cite un Nord-Américain que tout le monde connaît, c'est Francis Ford. Donc Ford est très... Ouais, tu veux parler? Oui. Oui. Au début de ton intervention, tu disais que tu avais failli être recruté par l'UPR. Je voulais savoir si tu avais adhéré, si tu avais quitté et pourquoi. Parce que là, tu nous fais un copier-coller de Asselineau. Moi, je veux bien, je ne suis pas contre, hein. Je suis même plutôt pour, mais voilà, je voulais savoir ce que tu en pensais. En fait, j'ai je fais pas un copier-coller. J'ai pris en fait Asselineau parce qu'il a tout ce que dit Asselineau, c'est sourcé et c'est totalement prouvé scientifiquement et matériellement. J'ai pris sa démarche parce que. Quand il dit que mais j'aimerais comprendre pourquoi la Turquie rentrerait dans l'Union Européenne et pas la Russie, c'est quelque chose dont je me suis servi. Après j'ai jamais été à l'UPR, mais j'aurais pu y être. J'y suis pas allé parce que moi je ne suis pas dans cette guerre de clans, de sectes et de cases. Je pense que c'est une erreur, même si moi je trouve que l'UPR est un programme politique, pour moi c'est le. Désolé pour les autres, mais pour moi, c'est la sortie de l'Union Européenne, pour moi, est un programme vraiment concret. Parce que penser, croire qu'on peut totalement, en fait, lutter contre comment dire, les exactions qu'on a, en fait, dans la politique intérieure sans même nous-mêmes sortir de l'Union Européenne, c'est déjà une erreur. Je me suis toujours demandé, mais non. J'aime pas être dans des cases, ça me... Il y a le bruit des bottes et le silence des pantoufles. C'est ce que disait Asselineau. Bon, bah, tu fais partie du silence des pantoufles, en fait. Alors. Ouais, et puis Asselineau, j'ai également découvert qu'il a pas mal de liens avec des bras armés de la CIA. Ça, ce qui m'a un peu déçu. Quand je vais dans un groupe, j'essaie de voir un peu qu'est-ce que c'est. Donc, je peux. Le fait de ne pas être à l'UPR ni au Frango, ça me permet d'aider tout le monde et de. Je pense que tant qu'on sera dans ces cases, en fait, il y aura toujours un peu de conflit de se dire, bah lui il a l'UPR, alors lui il est du front de gauche, donc forcément s'installe des conflits entre les gens. Voilà, donc moi je suis seul dans mon combat et je lance la main, je serre la main à des gens qui sont prêts en fait à dialoguer, en fait à tant que c'est des gens qui, enfin, je dialogue, je peux également dialoguer avec un mec qui est du Front National, enfin. Je me suis tapé des néo-nazis il n'y a pas longtemps, ça m'a fait plaisir de. Désolé de dire comme ça me fait plaisir d'écraser des néo-nazis en débat. Et ça. Pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est très important? Parce que dans les débats idéologiques, souvent quand vous débattez avec des gens, quand ils sont déstabilisés, qu'ils n'ont pas assez d'arguments, tout de suite ils me collent une étiquette. D'où le terme de l'UPR. Donc j'aurais pas aimé qu'on me colle, oui, tu es qu'un militant de l'UPR, j'aime pas les étiquettes, c'est un truc qui est trop facile. Et quand vous débattez avec ce que les gens en fait ostracisent ou diabolisent, vous avez moins de chances de faire d'erreur pour dire lui c'est un raciste, lui c'est un antisémite, rien et tout ça. Et je pense que des fois il y a des personnes qui n'ont jamais débattu avec l'opposition. Moi aussi j'ai débattu avec un proche d'Alain Soral. Déjà ça m'a fait croire qu'ils sont pas tous pareils à égalité et réconciliation, mais ça m'a pas, je me suis pas fait soraliser, quoi. J'ai pas adhéré à égalité et réconciliation. Par contre ça m'évite de faire des erreurs, de dire n'importe quoi sur des gens en disant bah lui il a dit un truc qui je suis pas, voilà, ça me plaît pas, voilà, c'est le diable, voilà. Et voilà, donc non j'ai pas dit ça, c'est juste que ça, je sais pas s'il y a des personnes qui ont d'autres questions, enfin. C'était à propos de Asselineau qui serait, qui aurait des liens avec la CIA, là, je trouve ça un peu énorme, quoi. Je sais pas si tu as des sources, quoi, mais je trouve ça un peu énorme, quoi, là, vraiment. Autrement, pour dire, pour Asselineau, hein, son programme, parce que tu parles de l'Union Européenne, lui, son programme, c'est de créer un parti provisoire pour créer une constitution pour sortir de l'Union Européenne, de l'OTAN et de l'euro, voilà. Et en plus, il y a pas mal de modifications aussi au niveau de la constitution qui sont intéressantes, je trouve, hein. Donc voilà, quoi. Après, bon, c'est vrai que ce qu'on peut lui reprocher, c'est pas ça, c'est pas les liens avec la CIA, parce que ça m'étonnerait beaucoup, c'est qu'il ait fait partie, avant il écrivait des discours à Pasqua, etc., c'est un énarque, c'est quelqu'un qui est dans le système, bon, voilà. Mais après, à partir du système, c'est vrai qu'il a les bonnes critiques. Et autrement, on peut citer d'autres gens, hein. Il suffit de prendre le Wikipédia de Jean Monnet, par exemple, et on a, par exemple, des gens comme François Giroud, que j'ai vu à comment ça s'appelle, à Ce soir ou jamais, hein, qui dit bien que Jean Monnet, c'était un agent américain, elle le dit, et a dit que l'Union Européenne, c'est bien une construction américaine. Donc François Giroud, c'est encore un autre personnage. C'est quelqu'un quand même, en général, qui est rarement contredit sur les plateaux télévisés, parce qu'il faut savoir que c'est quand même quelqu'un qui avait un pouvoir énorme à une époque, c'est elle qui a lancé Chirac, etc. Elle faisait partie de la bande à Pasqua, etc. Enfin, ils étaient plusieurs à avoir lancé Chirac, par exemple. Enfin bon, c'était quelqu'un de... qui est pareil, hein, qui est dans le système à fond. Et quand t'as dit que l'Union Européenne, elle est anti-Union Européenne à fond, anti-euro, anti-OTAN, et pareil, hein, elle est pour son pays, quoi, évidemment. C'est une gaulliste, je pense. Bah, Asselineau, c'est un gaulliste, hein, aussi. Hein. C'est des gens qui sont pour la souveraineté de leur pays. Après, c'est vrai que le mot souveraineté, il prend aussi une mauvaise connotation, alors que la souveraineté, quand elle est populaire, c'est tout simplement la démocratie. Enfin, voilà, des petites remarques que je voulais faire. Et... Ouais, t'as parlé au départ de l'idée d'une Europe qui sera en fait une alliance entre les Allemands et les Américains, et l'idée de la culture anglo-saxonne. Et donc par rapport à ça, pour toi le Brexit, est-ce que ça annonce finalement une bonne nouvelle par rapport à la culture européenne et en termes de prospective, comment tu vois la suite des événements en fait ? Sabari Densol. Pardon, c'est un... Bonjour, Sabari. Donc, est-ce que... Je vais te relancer le micro. Est-ce que tu pourrais pour tout le monde répéter précisément ta question pour que les gens comprennent bien de quoi on parle? Et que est-ce que c'est le Brexit pour les gens qui connaissent pas? Ben, le Brexit, c'est le fait que l'Angleterre, le référendum... a décidé de quitter l'Union européenne. Voilà. Donc, dans la thèse que tu as présentée, l'Union européenne serait une sorte de satellite de la culture anglo-saxonne qui elle-même serait une alliance entre, on va dire, l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis, qui représente le triangle anglo-saxon, on va dire, avec la langue anglaise comme langue, dominante. Donc, moi, la question que je te pose, c'est est-ce que tu penses que le Brexit va freiner justement cette mainmise de la culture anglo-saxonne sur l'Europe ou pas? Et comment tu vois la suite des événements? Par exemple, maintenant, la France se retrouve face à l'Allemagne. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la France va réussir à reprendre du galon? Ou est-ce que l'Allemagne va carrément lâcher l'idée de l'Europe pour aller vers un autre truc, quoi? Bon, de ce point de vue-là, je suis pas un prophète pour dire comment ça va se passer. Après, si tu veux répondre. Mais tu as soulevé un... Bah, tu veux parler, Mandjou? Vas-y, vas-y, parle, vas-y. J'ai assez parlé. Donc, pour répondre à la question du dernier questionnateur, et pour te sortir de la merde de ce truc, non, je déconne. Non, je déconne, pardon. Il faut recentrer et comprendre. Je ne sais pas si les gens ont compris ce que tu nous as dit depuis tout à l'heure. Est-ce que les gens ont compris que des dignitaires allemands qui travaillaient pour Hitler, donc qui ont participé à ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah, étaient aussi des dignitaires américains. Donc je ne sais pas si les gens ils ont compris ça. Ensuite, tu as dit, c'est la langue anglo-saxonne qui est utilisée, donc anglaise, pour devenir la première puissance mondiale. Je ne sais pas si les gens ont compris ça. Donc si les gens ont compris ça, ils ont compris que l'Allemagne et l'Angleterre font partie du système. Mais maintenant, les gens, ils se disent, mais la France est un empire aussi. Qu'est-ce qu'ils font, les Français, là-dedans? Donc, les Français, il faut savoir que c'est les perdants de Waterloo, c'est les perdants de machin, c'est les perdants de ceci, c'est les perdants de cela. Si les Français avaient battu l'Angleterre, aujourd'hui, on serait dans une alliance allemano-française. Donc, la question du Brexit, elle se pose pas vraiment pour les Anglais, puisque les Anglais ayant battu les Français, c'est eux qui gèrent le monde. Donc les Anglais gérant le monde et construisant une Union européenne, un euro complètement merdique qui va asservir les peuples d'Europe comme le franc CFA en Afrique, puisque l'euro, c'est l'imitation du franc CFA, mais dans une mesure moindre au niveau de l'horreur. Et donc, est-ce que les gens comprennent que c'est pas une question en vérité américaine? C'est-à-dire que les États-Unis, c'est l'Angleterre et la France. L'Irlande, tout ce que vous voulez, c'est les Anglo-Saxons. Donc, il faut comprendre que même s'ils parlent américain et même s'ils font des films américains, l'administration, elle est allemano-franco-anglaise. Voilà. Donc, ceux qui dirigent le monde, les gens voient les Américains, mais ceux qui sont derrière les bureaux, c'est allemano-franco-anglais. Donc, les décisions se passent en Europe. Partent aux États-Unis, et les États-Unis, qui sont les plus grosses puissances du monde, eux, ouvrent la bouche. Et donc, tout le monde dit, les Américains. Maintenant, quelle est la problématique avec les Russes? Là, on est dans une guerre. Il faut comprendre qu'avec les États-Unis, on est dans une guerre aujourd'hui franco-anglaise, donc et anglo-saxonne, parce que les Français ont perdu. Mais maintenant, quand on regarde l'Europe et le monde caucasien, donc pour parler d'une façon plus franche, le monde blanc est germanophile. Donc le monde blanc, il est ni celte il est germanophile, parce qu'il faut pas mélanger les celtes et les germains. S'il y a vraiment des chercheurs qui utilisent le monde celte, ils seront étonnés, parce que le monde celte n'est pas un monde blanc en vérité. Bon, en fait, donc on revient sur le monde germanophile, il est français, il est anglais, il est russe. C'est-à-dire que si on étudie le monde germanophile, on met les Russes dedans. Maintenant, les Russes étant dans le monde germanophile, eh ben, ils ont un pouvoir. Parce que les Germains qui possèdent la France, qui possèdent l'Angleterre et qui aujourd'hui possèdent les États-Unis, ont aussi la concurrence des Russes, qui se sont mis à l'écart. Est-ce que c'est de façon ouverte ou est-ce que c'est de façon déguisée? Est-ce qu'ils en ont besoin? En fait, là, sincèrement, je ne sais pas si c'est une stratégie ou s'ils sont vraiment en guerre contre le reste des germanophiles anglophones. Donc le pouvoir russe, qui est un pouvoir germain, met en exergue son pouvoir de veto sur la dictature anglo-saxonne. Pour tous ceux qui peuvent voir, pendant que les Russes et les Américains se font la guerre et disent ils font la guerre, ils s'aiment pas et qui vont tous faire la guerre en Libye ou en Syrie, je ne sais quoi. Eh ben, ils mettent des avions, des fusées dans l'espace ensemble, avec des accords ensemble pour faire gagner les deux. Donc, on est dans un monde, dans une domination aujourd'hui caucasienne, c'est-à-dire germanophile. Parce que si vous regardez l'origine des Francs, c'est germanophile. Si vous regardez l'origine anglo-saxonne, c'est germanophile. Et si vous regardez l'origine russe aujourd'hui, c'est germanophile. Parce que les Russes d'origine, c'est des Asiatiques, les Mongols. Voilà. Donc, Genghis Khan, tout ça. Là. Donc, est-ce que nous, citoyens du monde, on essaie de regarder l'histoire pour comprendre le présent et comprendre qu'aujourd'hui, les Américains, c'est le monde germanophile, donc le monde blanc, qui met sa puissance sur le reste du monde. Et malheureusement, pour dire à certains, ce monde blanc qui a écrasé les Indiens, qui a écrasé les Mongols, qui a écrasé l'Afrique, c'est un monde financier. Et le peuple blanc devient aussi du bétail financier. Alors lorsque on dit dans le discours d'avant, une caissière, c'est un métier, comment elle a dit ça, c'est un métier ingrat, ça veut dire que ça va être des robots. Ben, le monde germanophile dans lequel on vit, c'est de remplacer les trois quarts des citoyens par des robots pour pouvoir faire leur merde. Donc, est-ce que nous ensemble, et on dit pas que tous les germanophiles ou tous les caucasiens sont comme ça, mais le délire dans lequel ils sont partis, c'est de mettre à pied et en esclavage tous les peuples du monde. Donc aussi les germanophiles, donc les caucasiens d'Europe et les caucasiens des États-Unis. Donc on est dans un délire où on doit se poser les bonnes questions. Et donc, au lieu de savoir qu'est-ce que c'est que l'euro, c'est décidé par qui, mais qui sont ceux qui décident et dans quel sens ils vont. Donc je pense qu'en recentrant le débat sur vraiment les raisons et les choses, on pourra réunir tous les peuples du monde sur le même ennemi. Ouais, en fait, je voulais rebondir aussi sur un point que tu as soulevé. C'était en fait quand tu parlais du franc CFA. En fait, c'est cette monnaie en fait coloniale. En fait, c'est le franc des colonies françaises qui a été instauré en fait en Afrique de l'Ouest. En 1975, il y a les pays de l'Afrique de l'Ouest, le CEDEAO qui a essayé de le dégager, mais ça n'a pas encore abouti. Et en fait, le franc CFA est une monnaie qui ne permet pas en fait de créer suffisamment d'emplois en Afrique et qui éventuellement empêche en fait l'Afrique continentale de s'ouvrir à des marchés internationaux. Et en fait, le lien avec la Seconde Guerre mondiale, c'est que le franc CFA a été imposé en 1945 sous un modèle en fait germano-crate, quand Philippe Pétain, Darlan, Laval et d'autres qu'on ne sait jamais, comme René Loutrel, René Launay, qui sont d'autres collaborateurs, ont été envahis par l'Allemagne nazie. Hitler, en fait, j'aime bien aussi croire qu'en fait, que la France, qui a fait des millions de morts ici, est un pays qui, quand même, s'est pas mal fait écraser, comme tu le disais, Napoléon, qui s'est fait, qui perd Waterloo, la Saxe. La France a été instituée par une assure financière qui a dépouillé de toutes ses ressources financières. Et qu'est-ce que se sont dit plus tard les Français ? Ah, tiens, si on faisait la même chose en Afrique. Et c'est comme ça qu'a émergé ça, que le franc CFA a été officialisé, juridiquement parlant, en décembre ou septembre 1945. C'est la suite logique de ça. Après, quand tu parles de la domination anglo-saxonne, ouais, bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, c'est... Puisque ce que j'ai compris dans ton discours, c'est qu'en fait, finalement, c'est toujours cette même culture. Moi, je suis un peu plus... Moi, c'est plutôt judéo-gréco-romaine anglo-saxonne, pour être précis. Il y a un truc aussi que j'aimerais dire, c'est que la Seconde Guerre mondiale n'a pas juste créé en fait l'Union européenne, elle a également créé l'État d'Israël. Et vous allez voir en fait que quand Malanger il parle de cette alliance, le triangle anglo-saxon, cette alliance franco-anglaise états-unienne, il y a toujours Israël derrière. Et toujours Israël. Quand vous regardez en fait l'entourage de Franklin Delano Roosevelt, la plupart de ses collaborateurs comme Stephen Wise ou le colonel House étaient des pro-israéliens. Je ne dis pas que les israéliens sont tous des charlatans, des gadjots, des gastondons. Je dis que certains ont des intérêts particuliers et se servent. Par exemple, vous avez un discours très... Attends, t'as parlé pendant une heure. De quoi ? Ouais, je sais pas, parce que tu dis qu'ils sont germanophobes, pourtant... Germanophone ou germanophobe ? Ah, voilà, on est d'accord, oui. Tu m'as fait peur, parce que de toute façon, je t'aurais cité Isadore Ablin. Isadore Ablin qui a vécu à Berlin, à qui on dit, mais c'est quoi votre idéologie ? Et Isadore Ablin, il le dit, j'ai vécu en Palestine entre 1933 et 1936. Je rappelle qu'Isadore Ablin a dirigé l'OMS, l'Organisation Mondiale Sioniste. Pourtant, c'est un Allemand. C'est pendant que, vous savez, en fait, pendant que Anne Frank, Albert Einstein, Hannah Arendt, enfin, Elie Wiesel, enfin, subissaient les pires exactions, des gens de la même variété, en fait, allaient déporter leurs biens, en fait, un peu partout. Comme, en fait, bah voilà, Isadore Ablin, en fait, en Palestine. Donc, je répète, Isadore Ablin, qui dit haut et fort, j'appartiens à une caste de juifs sionistes et j'ai vécu en Palestine entre 1933 et 1936. Voilà, c'est pas un discours que j'invente toute pièce, c'est un interview que tout le monde peut voir. Pour encore aller loin dans ça, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que il y a vraiment, vraiment, vraiment des puissances. je ne dis pas que tous les Anglais, tous les Américains, mais il y a vraiment des puissances qui sont coalisées. Et que les gens, enfin, Israël, États-Unis, Angleterre et franco-allemand. Voilà. Donc, j'irais même que l'Angleterre, tu disais, c'est ce que t'as, voilà, je vais répéter comme Alonso, est-ce que les gens ont compris qu'en fait, que l'Angleterre a une totale mainmise dans les, sur les États-Unis d'Amérique? Puisque, vous savez que, j'ai dit pas en parler, mais je vais en parler. Vous vous rappelez quand ils ont dit qu'ils allaient enlever l'accent circonflexe, qu'ils avaient changé, ils avaient modifié la langue française parce que l'accent, les tirets, les, l'accent grave, c'était quelque chose qu'il fallait modifier. Et j'ai remarqué en fait que quand vous lisez la langue britannique, c'est marrant, c'est l'une des langues où il n'y a aucun accent en fait. Déjà, on est envahi par la langue anglo-saxonne parce qu'en fait, on a énormément d'anglicisme dans nos noms. Ok, lol. Weekend, dispatché, Foxhound, je peux aller très loin comme ça, et c'est assez marrant de, avec et tout ce qui va avec un hein, McDonald's, Hollywood, cette culture de l'hamburger où on crée des trolls en disant que voilà, donc Coca-Cola, et on peut aller très loin sur ça, l'industrie automobile aussi. Et ce que j'essaie vraiment de dire, c'est que ouais, l'Angleterre est vraiment, c'est pour ça qu'on regardait en fait George Bush. Quand je vois George Bush en fait, était, enfin pas élu, sélectionné, puisque George Bush était ami avec, la, vous pouvez regarder, hein, ouais, mais attends, là je te cite Michael Moore que j'adore, qui a fait Fahrenheit 9/11, il te prouve, journalistiquement parlant, que George Bush est pote avec le directeur de la Fox. Une chaîne que j'aime pas en plus. C'est Fox qui a dit, bon, c'est pas Al Gore, c'est George Bush. Puis après, vous avez George Bush qui va en Angleterre, et vous avez Tony Blair qui lui met la main dans le dos, qui est, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est un... Je sais que vous aimez très de conspirationnisme, mais c'est un signe, en psychologie, en parapsychologie, en fait, c'est un signe de domination. Et tout, vous allez voir que toute la lignée des présidents des États-Unis, en fait, ont fait leur... sont partis, tous ont fait leur voyage à Londres. Et d'ailleurs, en fait, vous... On peut se rappeler de la guerre d'indépendance, les États-Unis d'Amérique, que j'appelle la Nouvelle-Angleterre, pour ne pas oublier que c'est une culture anglo-saxonne. J'ai du mal à croire qu'un pays peut être libre quand ils demandent en fait, quand ils m'ont dit à quelqu'un, donne-moi ma liberté. Ce sont les États-Unis, c'est Georges III le Fermier, le roi de l'époque, qui a dit, voilà, donne-leur l'indépendance. Voilà, oui, écrivez, voilà. Voilà, c'est l'Angleterre. Et vous savez, quand vous regardez le dollar américain, vous avez pas mal de... j'hésitais à en parler, mais je pense qu'en 2016, et je pense pas... Non, je veux pas attendre. Le dollar américain reprend des rites initiatiques. Ils reprennent le rite écossais. Je sais pas si quelqu'un a parlé du rite écossais, le rite d'York. C'est pas pour rien que vous avez la ville de New York. La ville de New York, en fait, vous savez que York est une famille dynastique de l'Angleterre, en fait, médiévale. Et de la Renaissance, qui a démarré avec Edmond de Langey, qui est mort en fait en 1403. Et un York, en Angleterre, c'est le deuxième fils, en fait, qui est l'héritier du roi. New York, qui était d'abord New Amsterdam, mais après qui est, oui, 1064, voilà, New York. Voilà. Et on peut aller loin comme ça pour voir qu'en fait, qu'il y a pas mal de... Mais voilà, l'Union Européenne, l'Angleterre, voilà, enfin, les États-Unis, voilà, Quelqu'un veut intervenir ? Ouais, je voulais juste dire, parce que du coup j'entends beaucoup de par rapport à bon, tel état, et je pense d'ailleurs tu l'as signalé, est-ce que le principal ennemi, parce que voilà j'ai envie d'identifier l'ennemi clairement, c'est pas ces familles, c'est juste des familles de milliardaires qui par le biais des banques et arrivent à avoir de l'influence sur les dirigeants, et ça redescend jusqu'à Coca-Cola, tu vois, enfin c'est ce que je veux dire, du coup pour moi l'ennemi. Parce qu'on parle beaucoup de pays, et je pense que le principal ennemi, c'est ces familles de milliardaires. Après, certes, elles sont certainement nées en Angleterre ou en Allemagne, etc. Mais tu vois ici, les milliardaires, t'en croises pas beaucoup. on sait pas où ils sont, en fait. Et du coup, nos ennemis sont souvent... pareil, j'ai beaucoup entendu parler du nazisme, du nazi, etc. La bataille de Waterloo aussi, vous en avez parlé, notamment, il me semble aussi qu'elle a été financée par les Rothschild. Voilà, donc... Donc voilà, on peut aussi se poser des questions sur ces batailles-là, tu vois. Donc, finalement, c'est toujours le même ennemi qu'on retrouve. C'est ces milliardaires. Voilà. Mais ouais, mais enfin, pour moi, c'est plus des ils sont milliardaires avant d'être d'où ils viennent, tu vois ce que je veux dire. Parce que moi, Voilà, je pense pas que ce soit de là où on vient qui fait. Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être après, ça, c'est un autre débat. Ouais. Pour répondre par rapport à toi, Malandieu, si on se rappelle bien, si on remonte, on repart dans les années 1900, début de Première Guerre mondiale, nos principaux ennemis, c'était l'Allemagne. Quand on a vu qu'au moment 2000, il y a eu un baby boom qui s'est produit aux États-Unis, la France a été direct contactée par Bruxelles pour verser je ne sais pas combien de milliards d'euros pour pouvoir faire repartir les banques. Dernièrement aussi, pour pouvoir racheter, pour pouvoir que sur l'Europe, pour pouvoir garder le seul pays qui voulait partir à la base, qui est la Grèce, on leur a quand même versé des millions d'euros pour pouvoir rester à l'Europe. Au niveau de l'Union européenne, il faut savoir que c'est surtout un bénéfice de monnaie où tout simplement Bruxelles décide de lui-même en disant voilà, on va former un compte bancaire pour sauver, pour tout simplement qu'on puisse garder un pays comme la Grèce, comme des pays comme ça, qui sont quand même en très peu développement, mais qui se développent au fur et à mesure grâce aux caisses européennes. Suite à dernièrement aussi, par rapport, j'ai entendu par rapport à l'Angleterre, l'échange qu'il y a eu et que tout simplement le gagne-pain de l'Angleterre qui a décidé de se retirer de l'euro pour tout simplement récupérer sa propre monnaie parce que bon, il voyait que c'est le pays en lui-même voyait que il était en train de se faire entre guillemets arnaquer complètement. Mais si on revient à l'époque de la démocratie du G7, c'était quand même la France était quand même le troisième pays le plus riche d'Europe. Non, pas du tout au niveau financier, au niveau de tout ça. La France n'est plus troisième au classement du groupe du G7, c'est-à-dire de l'économie et du social au niveau Union européenne. On est premier, oui, gastronomiquement parlant, mais au niveau monétaire, je te donne ma parole, tu peux aller voir sur le 440. Le 440 est en train de baisser. Tout à l'heure, tu vois, avant que tu arrives, en début d'après-midi, j'ai discuté avec un Allemand, et l'Allemand, il me disait comme ça que, au niveau de Madame Merkel, là, ils se combattent pour une cause qui est sociale. Parce que, certes, oui, on peut entendre au niveau des médias et tout ça, qu'au niveau chômage, Madame Merkel a fait beaucoup de travail, mais au niveau densité monnaie, au niveau de la monnaie, au niveau de l'économie, il n'y a pas assez d'économie de créer et il n'y a pas assez de choses de faites. Moi, je trouve qu'en France, on a, comme on peut voir par rapport à certains pays, dont moi, dans certaines connaissances, au niveau de certains pays, comme en Amérique du Sud ou dans les pays de l'Est, je pense qu'en France, on n'a pas besoin de pleurer au niveau économiquement parlant, parce qu'on a quand même la chance de pouvoir avoir ce qu'il faut pour pouvoir régler les choses. Qu'en sachant que dans des pays comme l'Amérique du Sud, comme aussi certains coins en Afrique, c'est des pays tellement sous-développés qu'au niveau de leur monnaie, ça ressemble à une monnaie de pauvre. Si l'Union européenne peut se permettre de pouvoir s'engager à pouvoir rassembler les fonds qu'ils ont dans leur poche, c'est-à-dire nos chers actionnaires, et qu'ils se permettent de pouvoir donner, au lieu de penser qu'à leur gueule et de donner à tous les peuples de l'Europe ainsi que mondiale, je penserai pour moi-même que ça serait plus la parité et l'égalité de tout le peuple entier, que ça soit sud-américain, africain ou même occidentaux ou oriental ou n'importe quel, et que à la fin on ressemble une monnaie, mais la seule monnaie qu'on peut ressentir c'est la monnaie qui viendrait du cœur. Donc moi c'était simplement bon une petite remarque critique sur votre vie. Là on parle d'un sujet en particulier, mais bon, Voilà, c'est juste une petite remarque critique pour la vision du monde, que une vision du monde monolithique ou ethnique. Enfin, on peut y ajouter un peu plus de complexité hein, si on veut vraiment comprendre le monde. Voilà. Bon, alors, moi, c'était pour reprendre, recentrer sur le débat et te poser des questions, parce que j'ai pas bien compris ce qui était à l'origine du CFA. J'ai pas bien compris. Voilà, je voudrais que tu développes un peu ce point-là. Et un autre point, je voudrais que tu développes aussi, c'est le rapport entre l'Angleterre et les États-Unis. Tu disais que l'Angleterre avait mainmise sur les États-Unis. Donc, il y a quand même eu une guerre d'indépendance, etc., aux États-Unis pour s'émanciper de l'Angleterre. Donc, je voulais pareil aussi que tu développes un peu plus ces deux points, quoi. Le franc CFA, la création, et pourquoi tu dis que l'Angleterre a mainmise sur les États-Unis, enfin que ce serait l'Angleterre, quoi, qui contrôlerait les États-Unis, en gros, c'est ça? Voilà. Mes deux questions. Hein. Et pour prolonger la question de mon voisin, quand tu parles de l'Angleterre, est-ce que tu parles de la République, enfin de la monarchie anglaise, de l'aristocratie anglaise, ou est-ce que tu parles en fait du gouvernement? Je dois répondre d'abord à lui. Tout à l'heure, en fait, tu parlais de l'ennemi. Quel est l'ennemi? Bon, c'est plus trop un terme que j'utilise, mais je dirais en fait les personnes qui travaillent pour la désorganisation de l'humanité, c'est souvent oui des familles aristocratiques, des milliardaires. Et tout à l'heure, tu parlais de Napoléon qui a été financé par les Rothschild. En fait, j'adore ces familles parce que c'est des familles dynastiques qui n'ont rien à foutre de savoir si vous êtes de gauche, de droite ou au centre, puisque quand tu suis en fait la vie de Napoléon, il a accueilli James Meyer Rothschild, qui devait instaurer la banque Rothschild en fait dans l'Empire français, et le frère de James Meyer Rothschild en fait vivait en Angleterre, Nathan Meyer Rothschild. Ce qui est drôle, en fait, c'est que ces deux-là qui ont permis à Napoléon de créer la Banque de France, c'est ces deux-là, en fait, qui se sont coalisés pour provoquer sa chute, en fait. Donc, si tu lis, tu liras la biographie des deux frères, tu verras qu'en fait, que les deux ont participé. Hein? De James Meyer Rothschild et Nathaniel Rothschild. J'ai lu leur biographie et j'ai rigolé. Hein. Donc, pour... Pour rebondir en fait sur l'Angleterre, je ne vais pas répéter 100 fois ce que j'ai dit. Je dis simplement en fait que premièrement, on sent en fait l'importation en fait de la culture anglo-saxonne, de par le fait que déjà les premiers autochtones en fait de l'Amérique, ce sont les proto-amérindiens qui étaient des Africains et les Olmecs et un peu plus tard les Algonquins. C'est un monde de l'Amérique qui a été envahi ou immigré, ça dépend du mot qu'on choisit. Par énormément en fait de colons britanniques. Donc le Mayflyer, je pense que tu connais. Ce sont pas des Américains, ce sont des Britanniques. Et la Nouvelle-Angleterre dont je parle, c'était pas tous les États-Unis, c'était les 13 colonies britanniques. Donc pourquoi je dis que les États-Unis ont une mainmise sur l'Angleterre a une mainmise sur les États-Unis? Parce que déjà en première instance, je viens de rappeler en fait que les États-Unis. Tu sais, je vais te citer la même chose. Tu sais, par exemple, quand par exemple on dit indépendance du Congo, et qu'en fait que tu te rends compte que finalement que ce n'est pas le Congo lui-même, l'État gouvernemental, qui a investi pour avoir sa propre indépendance. C'est-à-dire que pourquoi toi, tu devrais demander à lui de jouir en fait de ta propre terre ou de tes propres hectares? Donc, je rappelle que la déclaration de l'indépendance, qui a été écrite par Jefferson et autres, c'est grâce à l'Angleterre qu'ils ont pu le faire. C'est Georges III le Fermier, je répète, Georges III le Fermier, tu tapes Georges III le Fermier, et tu verras que c'est lui, avec la famille Brunswick-Lansbord, donc tu vois, je cite des choses précises, qui ont permis en fait aux États-Unis de devenir indépendants. C'est pas les États-Unis, c'est pas George Washington qui a dit oui, non, non. C'est l'Angleterre. Et oui, mais tu sais, après on peut aller loin, tu sais. Il y a, tu sais. Non. Juste, bah, du coup, ça va être la dernière question, et après je te laisserai conclure et Enfin, c'était pas une question. Moi, je disais évidemment que les États-Unis ont été colonisés par les Anglais, que la langue elle est anglaise. Il y avait d'autres pays, évidemment, mais bon, en majorité, c'était les Anglais. Que c'est les Anglais qui ont gagné, même voilà quoi. Il y avait même des Français, hein. Il y avait des Allemands, il y avait plein de monde qui ont émigré aux États-Unis. Mais c'est vrai que la dominante a été anglaise. On parle l'anglais aux États-Unis, c'est la preuve. Évidemment que la culture elle vient directement d'Angleterre. Que là tu parles de constitution ou je ne sais quoi. Évidemment la culture elle vient de là-bas. Mais après il y a quand même eu des rapports de force. Il y a eu l'histoire avec le thé, etc., les taxes, etc., enfin que tu connais aussi. Hein. Bon, il y a des influences. Les États-Unis, il y a plein d'influences. Dans tous les pays, tu as des influences. Après, de dire que l'Angleterre a main mise sur les États-Unis, ou je ne sais pas, alors, qu'est-ce que tu dis exactement? L'Angleterre contrôlerait les États-Unis? Enfin, voilà, quoi. C'est ça ma question. Et pourquoi tu dis ça? Et après, reviens aussi sur le franc CFA. J'ai pas tout compris sur la création du franc CFA. Pourquoi l'origine? J'ai pas bien compris ce que tu as dit aussi. Ça je vais répéter pas vite fait. Je disais en fait que quand tous les collaborateurs de l'élite française ont été envahis par l'Allemagne nazie, l'Allemagne a institué des banques qui en fait ont empêché la France pendant l'occupation allemande de s'ouvrir à des marchés internationaux. Et en fait, vous savez qu'en fait qu'en France on n'a pas eu que le franc français, on a également les sterling, qui est une monnaie en fait. oui, les sterling. Et c'est des monnaies comme ça en fait qui ce que je vais répéter. Quand la France, l'État français a été occupé par l'Allemagne, l'Allemagne a institué un système financier, des banques financières qui ont dépouillé la France de ses ressources. Et c'est ce même schéma en fait économique qu'elle a reproduit en fait que la France a reproduit en Afrique. Voilà. Après Jean-Philippe Moutonné va un peu plus loin. Je dis simplement en fait que l'Amérique, comme tu le dis, a eu des influences extérieures. Elle en a partout parce que quand tu regardes en fait les villes américaines, c'est souvent des villes espagnoles, c'est souvent des villes françaises, Baton Rouge, Louisiane, c'est souvent des villes également égyptiennes, comme Memphis, Tennessee. Mais après, quand tu regardes l'architecture, quand Urban il crée la Maison Blanche en 1800, c'est pas une architecture en fait, c'est pas une architecture totalement celle qu'il utilise, c'est une architecture totalement anglo-saxonne. Tu regardes, quand ce white anglo-saxon protestant Oban, qui en 1892 crée, en 1892 parce qu'elle a été la maison blanche a été brûlée, après elle a été construite un peu plus tard, c'est une architecture anglaise qui fait. C'est que en fait le modèle anglo-saxon, et puis je parle du rite écossais, le rite d'York, le rite écossais qui sont repris par la plupart en fait des grands acteurs des États-Unis qui en fait parfois sont des tueurs sanguinaires, des pédophiles. Voilà, par exemple, Joseph Edgar Hoover, grand directeur du FBI, mais en fait qui est un assassin et un pédophile. Il faisait partie du rite écossais. Pareil pour Rockefeller, pareil pour les Rothschild. C'est le rite écossais. C'est le rite d'York. Et celui qui... je vais conclure parce que là ça se fatigue. Je vais laisser Malandjo poursuivre. Non, parce que si je reviens sur l'euro, je vais tourner en rond on s'est un peu éparpillé aussi par moment. Et les gens qui sont venus qui n'ont pas dû comprendre de quoi on parlait, mais c'est marrant, c'est drôle parce qu'on a eu un débat qui était un espace de dialogue qui était assez ouvert et ça a permis vraiment de pas que parler de recentrer CS. Mais merci aussi aux intervenants aussi d'avoir... c'était cool. Tu veux qu'on arrête hein, D'accord, ok, je passe le... Faut demander à madame.